pour vous dire que j'adore votre émission, alors que je suis pas fan des blockbusters, que je n'aime pas tellement Céline Dion. Et je fais aussi partie des parents qui ont laissé leurs enfants jouer aux jeux vidéo parce que, bah voilà, ils étaient pas loin et c'était bien comme ça. Salut, merci beaucoup, à l'année prochaine. Ha ha ha, fatality. Blockbuster, merci pour cette émission sans Mortal Kombat. Je suis tous les jours scotché sur le 11 et de savoir que vous avez fait ça, bah franchement, c'était vraiment top. Une super émission, le top du top. Merci beaucoup. Ping-pong. Et oui, vu mon âge, le seul jeu auquel j'ai joué quand j'étais petite, c'était le ping-pong, voilà. Et pas les jeux où on tue des gens, on les massacre, on les retourne, on les éventre, tout ça. Gimme, gimme, gimme a man after midnight, under pain, and you're getting on the way. Alors, Abba, j'aime pas. Mais la mélodie, elle est là. Point barre. C'est vrai, il y a de la mélodie quand même. Ciao. Frédéric Sigrist wins fatality. To be or not to be, not to be. Quand j'étais enfant, autour de 12-13 ans, j'ai passé beaucoup de nuits tout seul. Ma mère travaillait de nuit, elle était aide-soignante, et j'avais insisté pour pouvoir me garder tout seul. Je me souviens que les lundis soirs, à la 5, la chaîne de Silvio Berlusconi, aujourd'hui disparue, qui ferait passer C8 pour une chaîne culturelle, il y avait une émission qui s'appelait « Les accords du diable », présentée par une animatrice tout droit sortie d'un épisode de La Famille Adams qui s'appelait « Sangria ». Tous les lundis soirs, elle présentait tranquillement un film d'horreur à 20h40, sans signalétique aucune. Autre époque, autre mœurs. Des films tels qu'Alien, Amityville, The Thing, Halloween. Vu qu'aucun adulte n'était avec moi pour me conseiller d'aller au lit, il va de soi que l'occasion était trop belle pour m'affranchir des interdits liés à mon âge. Donc ces films, bien évidemment que je les ai regardés. Et bien évidemment qu'ils m'ont terrorisé. Au moment du générique de fin, j'étais tellement terrifié qu'il m'était absolument impossible d'éteindre les lumières de l'appartement où on vivait. Au contraire, j'allumais toutes les pièces et je courais d'une traite me cacher sous ma couette, convaincu que d'étranges créatures étaient tapies sous mon lit. Le bruit étouffé de mon cœur qui battait quand j'avais la tête enfouie dans l'oreiller achevait de me faire croire que des monstres attendaient que je sorte pour me dévorer. Forcément, le matin à l'école, j'avais la mine d'un enfant fatigué. Pourtant, 15 jours plus tard, quand ma mère travaillait de nouveau un lundi soir, j'allumais de nouveau la 5 et je recommençais, car je crois qu'au fond, j'ai toujours aimé avoir peur. Car sinon, pourquoi regarde-t-on des films d'horreur? Pourquoi lit-on des polars? Pourquoi monte-t-on sur des manèges à sensations, si ce n'est par amour de la peur? Par envie de maîtriser ce sentiment dont on est si souvent victime. Se faire peur, au fond, c'est un peu comme faire la cuisine. Quand on la fait soi-même, au moins, on sait ce qu'il y a dedans. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Fear is the oldest and most powerful emotion that each of us feels. Okay, we're born with it. We fear all the La peur est la plus primitive et la plus puissante émotion que chacun de nous ressent. Nous avons tous peur de la même chose. Vous, moi et tout le monde dans le public. La mort, l'inconnu, la perte. C'est pour ça que les films d'horreur peuvent être si puissants. Parce que quiconque, n'importe où, peut ressentir la même peur. Depuis le début de cette saison de Blockbuster, un nom de réalisateur est tout le temps revenu dans les émissions, celui de John Carpenter. Réalisateur de génie hyper précoce, homme orchestre hors pair qui réalise, compose, monte et va même jusqu'à créer la propre musique de ses films, John Carpenter est en effet directement ou indirectement responsable d'un pan entier de la culture geek et populaire. Sans Snake Plissken, par exemple, de New York 1997, pas de jeu vidéo Metal Gear Solid. Son premier film, Dark Star, a permis à Dan O'Bannon, son co-scénariste, de se retrouver sur le Dune de Jodorowsky, et donc sur le premier Alien. Jack Burton, dans Les Griffes du Mandarin, a participé à la création du dieu du tonnerre Raiden dans le jeu Mortal Kombat. Bref, depuis bientôt 2 mois, dans Blockbuster, on gravite autour d'une étoile nommée John Carpenter. Et pour en parler ce matin, j'ai avec moi Khalidi Ramphoul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de rubrique cinéma et série pour le webzine Mademoiselle et grande fan de films d'horreur. C'est ça, c'est mon travail. Je suis très contente d'être là, merci de m'avoir invitée. On est ravis. Mélanie Boissonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en cinéma, enseignante, chercheuse. Vous êtes spécialisée dans le cinéma d'horreur américain et français et la représentation des femmes dans ce cinéma. Et vous préparez un colloque sur John Carpenter à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle qui aura lieu les 30 et 31 octobre 2019. C'est exactement ça. On a choisi Halloween pour faire notre colloque John Carpenter, alors qu'il aura lieu à Paris 7. Ah, c'est Paris 7. C'est à Paris 7. On communique Paris 7, Paris 3. Très bien, c'est bien les échanges. On est 4 chercheurs là-dessus. Très bien. Pour Halloween. Aurélien Chapuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé en pop culture et vous travaillez pour Combini ainsi que la radio OKLM spécialisée dans le rap. Tout à fait. Et enfin, évidemment, celui qui ne pouvait pas être absent de cette émission, celui qui a même fait le forcing pour qu'on en parler, Dedo, le co-animateur non officiel de cette émission. Bonjour Dedo. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors vous êtes auteur, comédien, humoriste et co-créateur du programme L'Histoire racontée par des chaussettes que l'on peut retrouver sur YouTube et vous êtes actuellement en fin de rodage de votre prochain spectacle. Oui, en tout cas en termes d'écriture et j'attaque la tournée de rodage fin septembre un peu partout en France. Donc voilà, Agen, plein d'endroits, des grandes villes, des petites villes, Lyon, Marseille et tout le reste. Ok. Ensemble, on va retracer l'histoire de ce réalisateur touche-à-tout, John Carpenter, qui s'est si souvent fait démolir par la critique pour ensuite voir ses films devenir cultes. On tentera de comprendre son style, ses obsessions, son amour d'une certaine forme d'anarchie et de contestation politique. On parlera de ses influences et surtout de ceux nombreux qu'il a influencés. Et enfin, on tentera de comprendre pourquoi il est si bon de se faire peur. Allez, l'avant-dernier blockbuster de la saison consacré à John Carpenter, c'est parti. La première fois que je l'ai vu, il y a 15 ans de cela, on m'a dit que cet enfant n'avait plus ni raison, ni conscience, qu'il ne réagissait plus aux choses les plus rudimentaires comme la vie ou la mort, le bien et le mal, le vrai et le faux. J'ai vu cet enfant de 6 ans au visage mort, pâle, où ne se peignait aucune émotion, avec d'immenses yeux noirs, les yeux du malin. J'ai passé 8 ans à vouloir trouver le contact et puis 7 autres années à lutter pour qu'on ne le relâche pas, car j'avais la certitude que ce qui habitait cet enfant, c'était purement et simplement le mal. Qu'est-ce qu'on fait ? Il est venu dans cette maison ce soir. Je crois qu'il y reviendra. Je vais l'attendre ici. Je continue à penser qu'il faut lancer un appel à la radio et à la télévision. Si vous faites ça, les gens croiront le voir à tous les coins de rue. Ce sera la psychose dans les foyers. Non, dites à vos hommes de ne rien ébruiter, mais d'ouvrir l'œil et le bon. C'était un extrait d'Halloween où vous avez entendu le docteur Samuel Loomis joué par Donald Pleasance et doublé en français par Claude Dasset et également le shérif Lee Brackett interprété par Charles Cypher et doublé en français par Michel Barbet. Alors, Mélanie Boissonneau, j'aimerais qu'on parle de la personnalité de John Carpenter. D'où vient-il ? Alors, d'où vient-il ? On pourrait croire que John Carpenter, c'est quelqu'un qui vient de l'underground ou voilà, qui. Mais en fait, c'est plutôt quelqu'un qui a une vie assez tranquille. C'est quelqu'un qui a fait des études dans une université très prestigieuse à Los Angeles, qui a un parcours finalement assez d'élève brillant. De façon assez surprenante par rapport à ses films. Mais il a commencé à faire un court-métrage à Los Angeles, à l'université. Il a gagné un Oscar du court-métrage dès son premier essai. Donc c'est vraiment quelqu'un qui finalement a eu quand même des facilités au départ pour faire son métier de réalisateur. Et ça, c'est pour ses études universitaires. Mais en fait, il a été passionné par le cinéma largement avant. Il paraît qu'à 4 ans, il a eu une révélation quand sa mère l'a emmené voir African Queen de John Huston et qu'il a été... le virus du cinéma lui a été inoculé. Mais dès 8 ans, il faisait déjà des courts-métrages. Kalindi ? Oui, dès 8 ans. Et en fait, son père lui avait offert une caméra Super 8 dont il s'est beaucoup servi. Et ça a été le début d'une grande passion. Il a passé son temps à réaliser et aussi à composer. Son père était prof de musique et lui a transmis sa passion. Donc, il a aussi fait partie de groupes de rock et de folk. Et c'est ce qui donc a dirigé toute sa carrière de réalisateur, compositeur, scénariste, etc. Donc, voilà. Et c'est un enfant qui adorait écrire des poèmes, qui adorait écrire des histoires, qui donc jouait de plusieurs instruments. On est quand même... Alors aujourd'hui, on a tendance à très rapidement dire d'un enfant qu'il est précoce, mais en pour ce qui concerne John Carpenter, on a vraiment affaire à quelqu'un de précoce, Aurélien Chapuis. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'en plus, très rapidement, il s'est senti à l'écart de la communauté dans laquelle il était. Il s'est retrouvé dans une petite ville à un moment qui était très puritaine, voire un peu raciste. Et je pense qu'il y a un moment où il s'est senti vraiment complètement en dehors de tout ça et qui s'est servi de son art, donc que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, pour un peu détourner certains codes et partir sur du genre en fait qui était à mon avis le western dès le départ qui le passionnait, et de détourner en fait le western pour le transformer dans la société dans laquelle il se sentait vraiment pas en accord déjà dans les années 60 voire 70, pour travailler un petit peu sur tout ce qui fait les problèmes en fait de cette société soi-disant puritaine, mais plein de dysfonctionnements totaux, en tout cas pour lui, quoi. Tedo, oui. Qu'est-ce que représente John Carpenter pour vous, s'il fallait décrire ce réalisateur à quelqu'un qui n'a jamais vu aucun de ses films? Bah, c'est quelqu'un déjà qui quasiment dès 78 invente le slasher moderne, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'un slasher? Un slasher, c'est une sorte de boogeyman qui est là, une présence, qu'un boogeyman, une présence maléfique qui va être là, dont on ne sait pas où elle vient et qui va être inexorable dans son exécution. Et c'est un des thèmes de prédilection de Carpenter, c'est-à-dire qu'il parle du mal avant tout. Et la plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle du mal qui prend forme sous une apparence déguisée, quasiment dans tous ses films. Michael Myers derrière un masque, dans Fog le brouillard, dans The Thing tout, c'est-à-dire des humains, des animaux, et il fait ça de manière récurrente. Dans Christine, une voiture, et c'est un thème qui est très fort chez lui. Il veut avant tout parler du mal et il veut aussi faire des westerns. Quasiment tous ses films sont des westerns déguisés parce qu'il a été complètement abasourdi quand il a vu Rio Bravo de War Dogs, et c'est pour ça qu'on retrouve dans la patte de Carpenter ce fameux cinémascope qui est incroyable comme chez David Lean, et cette envie de traiter aussi d'anti-héros, mais je pense qu'on va en reparler plus en profondeur après. Et cette vision du mal, on ne connaît jamais les raisons qui les motivent en fait. C'est ça qui est glaçant. Kalindi. Oui, c'est ça qui est absolument effrayant. C'est parce qu'il motive ces gens à commettre des crimes abominables. Et c'est de là que naît la peur. C'est-à-dire que quand on connaît pas l'origine de ce qui a fait d'une personne abominable ce qu'il est, moi c'est ce qui m'a fait peur la première fois quand j'ai vu Halloween. J'avais 7 ans et je me souviens que j'avais piqué la jaquette de DVD dans la vidéothèque d'amis de mes parents. Et en fait, à l'époque, j'avais envie de quelque chose d'un peu subversif pour mon âge. Donc c'était soit un film qui allait parler sexualité, soit un film qui allait parler d'horreur. Et donc le premier que j'ai vu, c'était Halloween. Et ça m'a complètement traumatisé. En plus, quand on a 7-8 ans, on regarde un film avec un regard d'enfant, bien sûr. Oui, c'est très très tôt pour c'est voir très très tôt, c'est beaucoup trop tôt d'ailleurs, ça m'a un peu traumatisé, mais ça en dépend. Tout cas, ce que j'ai aimé, c'était quand on est môme, on n'analyse pas avec un regard d'adulte, donc forcément on n'a pas d'analyse politique, sociale, c'est juste de l'émotion brute, et du coup c'est pour ça que même quand j'ai revu Halloween plus tard, j'ai jamais retrouvé la sensation que j'avais eue à 8 ans quand j'ai vu pour la première fois Halloween, et qui était un vrai moment de cinéma et de frayeur, quoi. Alors on va continuer de parler de John Carpenter, mais pour l'instant, histoire de faire plaisir à Dedo... Rob Zombie sur France Inter, voilà, incroyable. Et également à tous les gens qui ont des goûts en commun avec Dedo, on va écouter Rob Zombie avec Dragula. Cette émission est réalisée par Céline Hilla, à la programmation musicale Elsa Béranger, Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot ont préparé cette émission aidée par Aurore Mansip. Hervé Evano à la documentation, Ina a fait un travail de dingue, hein. Sans lui on n'aurait jamais pu avoir la séquence troll. Et à la technique aujourd'hui, Serge Viguier et Henri Bérec. We'll be right back. Mais qu'est-ce que c'est? C'est Rob Zombie dans Blockbuster sur France Inter. Harold, je peux te faire sortir d'ici. C'est vrai. Tu fais ce que je te demande et tu repars avec moi. Sans blague, Snake. Et dis donc, c'est vrai? Et moi aussi, tu me feras sortir d'ici? On n'a pas besoin de toi pour se tirer. C'est ce que tu crois. Le duc a dit qu'il rendrait le président que si les autorités acceptaient de libérer les condamnés. Ça, ils accepteront jamais. Il y a quelque chose que moi je sais et que votre duc ignore. Quelque chose qui fait que bientôt, le président sera plus une monnaie d'échange. Tu mens. Peut-être que c'est vrai. Mais je le connais, regarde-le, ça se voit, je te dis qu'il ment. T'as raison, Harold, je mens. Et comme je pourrais pas te convaincre, je vois qu'il me reste plus qu'une chose à faire. Bren! Toi, essaye de lui faire comprendre. Bren, dis-le-lui, tu vois bien qu'il va lui tuer, faut le dire, Bren. Ça va. Tu as toujours été un malin, Harold. Il y a d'abord une chose que je vais mettre au point. Ne m'appelle plus jamais Harold. C'était un extrait de New York 1997 avec Snake Plissken, interprété par Kurt Russell et doublé en français par Patrick Fleuersheim. Il y a également Harry Dean Stanton, doublé en français par Jacques Balutin, Adrienne Barbeau, doublé par Béatrice Delph, et Ernest Borgnine, doublé par Jacques Deschamps. Revenons un petit peu en arrière sur la carrière de John Carpenter. Il y a le film Assaut qui le fait connaître à l'international. Mélanie Boissonneau, est-ce que vous pouvez présenter ce film? Parce que je sais qu'on est nombreux, enfin, je l'ai vu, mais je sais qu'il y a énormément d'auditeurs qui n'ont pas dû voir ce film. Voyez-le. Alors Assaut, alors peut-être que les auditeurs ont vu le remake, hein, puisque comme beaucoup de films de Rob Zombie, comme beaucoup de films de John Carpenter, le Assaut a été l'objet d'un remake par un réalisateur français d'ailleurs. Mais en 76, John Carpenter propose un film qui est complètement inédit, où on a des gens reclus dans un immeuble et qui sont attaqués, assaillis par des personnage dont on ne voit jamais le visage vraiment, dont on ne connaît pas les motivations. Effectivement, ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et qui participe effectivement à la peur, hein, puisqu'ils sont complètement... on ne sait pas pourquoi ils font ça, mais ils attaquent des gens dans un immeuble et en fait on va rester dans cet immeuble et on va vraiment assister à l'assaut du titre pendant tout le film. Donc c'est un film qui est vraiment terrifiant parce qu'on ne sait pas pourquoi les choses se passent. Kalindi ? Oui, non, tout à fait. Et donc ce film, Carpenter a dit lui-même que c'était une sorte de réécriture urbaine, en tout cas, du film qui lui a donné envie de faire du cinéma, qui était donc Rio Bravo, tu en parlais tout à l'heure, de Howard Hawks, qui d'ailleurs, il avait eu l'occasion, Carpenter, de rencontrer son idole à l'université de Californie du Sud quand il était jeune. Et donc voilà, il a voulu son film comme une réécriture moderne, comme sa réécriture. Et moi, c'est un film que j'ai personnellement beaucoup aimé, que j'ai vu il y a très longtemps, que je n'ai pas eu l'occasion de revoir. Certains disent que Ghost of Mars aussi est une sorte de réécriture d'Assaut et donc de Rio Bravo. Pour ma part, Ghost of Mars est un film que je n'ai pas du tout aimé. Oui. Voilà. On y viendra. Okay. Et justement, dans Assaut, il y a aussi en filigrane le style John Carpenter qui apparaît de manière très marquée. C'est un metteur en scène qui va vers l'épure. Il filme souvent des pièces vides, ce qui est assez rare au cinéma, des rues comme ça, désertes. Et même au niveau de la lumière, on est toujours vers quelque chose de très, très, très épuré, minimaliste. Est-ce qu'il y a un mot pour décrire tout ça, Aurélien Chapuis? Je pense qu'il y a une recherche claire un peu de la géographie et de l'espace dans sa réalisation, où en fait, on regarde souvent, il y a des plans, comme tu viens de dire, qui durent des fois 5-6 secondes avec juste un tout petit zoom qui va arriver. Et en fait, ça nous oblige à regarder un peu tout ce qui se passe pour voir s'il n'y a pas un truc qu'on a raté, en fait. Caméra est souvent l'œil du spectateur. Ouais, s'il n'y a pas Michael Myers qui est caché, ou s'il n'y a pas justement ces mecs qui sont censés tuer tout le monde, où ils sont, en fait. Et en fait, on devient un peu les personnages. On a cette angoisse qui monte au fur et à mesure. Et il y a toujours ce côté très claustrophobe qui commence des assauts et qui va être, à mon avis, ce que beaucoup de réalisateurs vont après lui piquer, c'est ce côté très huis clos et de jouer avec très peu de personnages et de faire monter les tensions entre les personnages et un peu la paranoïa entre eux et de savoir mais en fait c'est toi le méchant ou c'est moi ou c'est qui les méchants, et au fur et à mesure on sait même plus, des gens qu'on prenait pour un peu des salauds au départ deviennent finalement les héros et inversement, et toute sa réalisation tient en fait là-dedans, en fait, dans son regard de choses trappes, de chance, de laisser en fait beaucoup de place au spectateur et en même temps mettre très peu de style finalement, c'est-à-dire enlever le maximum pour que ça soit très académique et en même temps finalement très anarchiste et très punk dans la façon de voir en fait. L'emprisonnement, c'est le thème qui revient le plus souvent dans l'œuvre de Carpenter, soit l'enfermement dans une pièce, mais aussi l'enfermement en soi. D'accord. C'est-à-dire on se retrouve paranoïaque, y a cette idée de prison très très forte, Dedo. Oui, oui, qui est très présente dans la plupart. Et puis d'évasion aussi par moments et de dénonciation en général. Mais c'est vrai que par rapport à Asso, au-delà du fait du côté épuré qu'il y a là-dedans, c'est aussi la roublardise qu'utilise très bien John Carpenter. À partir du moment où Asso est tourné en 75 avec 100 000 dollars, c'est-à-dire une somme totalement dérisoire, qu'il est obligé d'optimiser. Et au final, on se rend compte à travers tout ça que c'est un metteur en scène avant tout. C'est pas juste un réalisateur. D'où le côté des cadres très épurés, c'est-à-dire qu'il définit son cadre et il n'a pas besoin de le remplir de choses à l'intérieur pour le faire vivre. Le cadre se suffit à lui-même. Et c'est là où on se rend compte que justement, ça, c'est très bien maîtrisé par Carpenter. La topographie des lieux est parfaite. Et ça, c'est un truc très récurrent dans son cinéma. C'est qu'on sait exactement tout le temps où on est. Et le spectateur est tout le temps avec les protagonistes. Et ça, c'est primordial dans sa réalisation et dans le fait de se sensibiliser avec ce que va ressentir le héros, qui est un anti-héros en plus. Et il n'utilise jamais de storyboard. C'est-à-dire que c'est vraiment sur le tournage, en fonction du lieu dans lequel il va tourner, qu'il se dit, tiens, il faut placer la caméra ici et il faut qu'il y ait un mouvement. Donc tout ça se fait vraiment sur le plateau. Oui, il y a instinct, c'est un instinctif, mais il y a plein de réalisateurs et de vrais metteurs en scène. Je mets la différence là-dessus qu'ils le font. Tarantino, qui est sorti Once Upon a Time in Hollywood récemment, est aussi fait de ce bois-là. C'est-à-dire, c'est des gens qui fonctionnent de manière reptilienne. Ils savent exactement, sur le plateau, comment rendre les choses les plus fortes possibles en termes de cinéma. Je suis entouré par des experts, mais le sont-ils vraiment? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser des questions extrêmement pointues concernant John Carpenter. Saurez-vous y répondre? Dans Halloween, Mike Myers assassine toujours des gens la nuit d'Halloween. Alors qu'en fait, en vrai, on sait tous que c'est plutôt à Noël qu'on a envie de tuer des gens. C'est vrai. Ah, on est d'accord, Dedo? Oui, je trouve aussi. Les réunions de famille, voyez Festen si vous ne l'avez pas vu et vous comprendrez ce que c'est les embrouilles familiales pendant un repas. Alors Céline Hila, la réalisatrice, m'a dit qu'en fait, peut-être qu'il valait mieux tuer des gens à Halloween avant Noël, comme ça on passait un meilleur réveillon. Ah bah oui, c'est belle idée. Oui, c'est bien, c'est vrai. Il y a moins de gens. D'où l'adage, mieux vaut prévenir que guérir, ça fonctionne. Si on peut aider les gens à vivre mieux. Dans le film Christine, on voit une voiture qui tue des gens. En vrai, à Paris, si tu veux envoûter un véhicule qui tue des gens, vaut mieux envoûter une trottinette. C'est sûr, en ce moment, c'est clairement ce qu'il faut faire. Ah bah oui, parce qu'en plus, Christine, elle veut te poursuivre, t'arrives boulevard Magenta, même plus elle roule en fait. Non, ça devient un court-métrage à Paris, ouais, oui. Christine. T'as envie de s'arrêter, ouais. Ça s'appelle Fourrière. Ouais, Fourrière. Alors attention, là c'est plus compliqué. Kurt Russell a joué dans New York 1997, dans The Thing, dans Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, mais pas dans Starman, où c'est Jeff Bridges qui joue l'extraterrestre. Vu que dans Les Gardiens de la Galaxie 2, Kurt Russell joue une parodie de Starman, est-ce que James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 2, serait pas peut-être John Carpenter déguisé? Ça se pourrait, parce qu'en plus, Carpenter a souvent pris des alias, des pseudonymes pour signer certains postes, dont John T. Chance, d'ailleurs, dans Asso, si je dis pas de bêtises, en termes de monteur, qui était le nom de John Wayne, dans Yo Bravo. J'étais sûr que j'avais dit, je te dis quelque chose. Mais t'es malin. Eh ben, vous savez quoi, c'est le moment de faire râler les internautes qui n'aiment pas quand l'émission est entrecoupée de chansons, parce qu'ils ont pas compris, en fait, qu'on n'avait pas vraiment le choix. Donc, on va écouter Clara Luciani avec Bovary. Je ne sais pas si je suis encore vivante. Sinon, quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche, j'avoue. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous. moi que j'assassine. Notre monde était rien qu'un léger malentendu qu'on a pris au sérieux. Fallait-il en arriver là? J'ai toujours eu pour nous des projets plus heureux. C'était Clara Luciani dans France Inter. Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. Pourquoi tant de haine envers nous, Mara? Il ne s'agit pas de haine, mais d'une nécessité biologique. Tu penses à ce qui s'est passé pour tous les autres? Alors nos agissements ne devraient pas te surprendre. Il nous faut survivre, et cela, quel qu'en soit le coût. Nous sommes les derniers qui restent. Pourquoi on n'arriverait pas à se comprendre et peut-être même à vivre ensemble? S'il fallait coexister, nous vous dominerions. Et ce serait inévitable. Vous finiriez par vouloir nous éliminer. La vie est un rapport de force. Et elle nous dresse les uns contre les autres pour voir qui de nous survivra. C'est cruel comme sport. La vie est cruelle. Il faut se battre sans arrêt. Exploiter les autres afin d'assurer la survie de l'espèce. Je ne suis pas d'accord. C'est l'adaptation qui est la clé de la survie. Coopération et symbiose et compassion. Pourquoi tu penses que ta propre survie dépend de ta capacité à nous émouvoir? Il faut te plaindre, compatir à ton malheur. Des sentiments! Il faut éprouver des sentiments! Sans émotion, vous n'êtes rien. Notre capacité à aimer nous rend supérieurs à vous. Sans compassion, vous êtes une espèce condamnée. L'émotion n'a pas de raison d'être. Elle est contre notre nature. Vous venez d'entendre un extrait du Village des damnés avec Christopher Reeve, doublé en français par Daniel Schenmetzler, et Lindsay Hohn, doublé en français par Mélanie Laurent quand elle était plus jeune. Mais non. Si, si, si. Incroyable. Qui l'eût cru? Si, si. Et ben voilà, Mélanie Laurent dans un John Carpenter de manière détournée. Tout arrive. Revenons sur Halloween, le film, petit film, qui n'a pas coûté très cher, mais qui a rapporté gros sur la planète entière. Dedo. Halloween dans la carrière de John Carpenter, c'est un monument, un passage incontournable. Ah bah oui, oui, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est l'invention du slasher moderne, de cette incarnation totale. Et on se rend pas compte à quel point ça a été un choc en 78. J'ai revu il y a pas longtemps sur Twitter, je crois, quelqu'un qui a posté il filmait une salle à l'époque, les réactions, les gens craquaient autant que pour l'exorciste et tout. C'était quelque chose de très révolutionnaire. Et ça a été un passage marquant parce que c'est le plus grand succès commercial de Carpenter qu'il a lancé derrière et qui ont intéressé les studios. Et c'est un film indépendant. Et indépendant. Et c'est le plus grand succès du cinéma indépendant jusqu'à ce qu'arrive, si je dis pas de bêtises, Blair Witch, certainement. Et puis le très nul Paranormal Activity. Et puis voilà, donc c'est quelque chose qui a été très marquant et qui continue de l'être et qui est une référence totale qui, pour moi, fait partie de la Sainte Trinité de l'horreur avec en 68 La Nuit des Morts Vivants de Romero et en 74 Le Fabuleux Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. C'est trois immenses pavés dans le genre. Voyez-les. Jusqu'à la mort. Il y a notamment dans Halloween ce plan séquence incroyable où on voit l'image par les yeux de Michael Myers à travers le masque. Et il y a quand même un parti pris très très fort pour un réalisateur de mettre le spectateur dans la peau du tueur. Oui, tout à fait. Alors, c'est John Carpenter. John Carpenter, il est aussi très très fort pour les plans, les premiers plans, les premières scènes de film. Et elles sont, la plupart sont extrêmement marquantes. On a dans Fog ce vieux marin qui raconte l'histoire aux enfants. On a le chien qui court dans The Thing. Et dans Halloween, on a ce plan en point de vue subjectif. Donc, avec, on voit les yeux, depuis les yeux d'un tueur. Et on découvre évidemment à la fin, par un contre-champ, que le tueur est un petit garçon tout mignon, tout blond, en costume de clown et qui vient de tuer atrocement une jeune femme. Donc voilà, c'est une des spécialités de John Carpenter aussi, c'est vraiment de nous mettre tout de suite dans l'action, et ça participe, je pense, à cette idée de paranoïa, en nous mettant dans des plans subjectifs comme ça, ça n'arrange rien à la terreur. La paranoïa de soi-même, d'ailleurs, c'est est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes à l'origine du mal ? Est-ce qu'on ne porte pas le mal en nous ? Un peu la question qui est posée aussi. Parce que c'est une énonciation de l'humanité, de toute manière. Carpenter fait ça à travers tous ses personnages principaux. C'est des gens hyper nihilistes qui s'en foutent totalement du bien de la communauté, qui pensent avant tout de manière pragmatique et qui sont là pour dire, mais de toute façon, à quoi ça sert ? Les humains, c'est la lie totale. Donc il faut, chacun pour soi et démerdez-vous. John Carpenter a une caractéristique, ses films se font systématiquement démonter par la critique quand ils sortent, et même ses chefs-d'œuvre, The Thing par exemple, au moment de sa sortie, il y a des gens qui n'aiment pas. J'aime pas. Ce film est une succession de scènes de dégueulis, de dégoulis, de choses absolument, mais vraiment d'une horrible, et ça se répète, et c'est infernal, ça se répète sans arrêt, sans aucune progression, c'est vraiment le culte bêtasse de l'effet spéciaux, de la grosse bête. Je trouve que ça a une similitude avec Alien, c'est tout à fait le même scénario, je trouve que le scénario est mal construit, c'est-à-dire que dès le début on a compris qu'il va y avoir une innommable chose qui va se trimballer partout, qu'on va trouver partout au moment où on les attend pas, et comme c'est au moment où on les attend pas, c'est toujours au moment où on les attend. Et finalement on s'ennuie mortellement, enfin moi je me suis ennuyée, j'ai même pas eu peur. Moi j'ai bien aimé les premiers films de Carpenter, Asso, Halloween, etc. Mais à mon avis il a fait un film totalement raté, qui est le premier film raté de Carpenter. Il y a un décalage entre les effets spéciaux et la platitude des personnages. C'est-à-dire qu'on a des personnages totalement inintéressants et des effets spéciaux totalement répétitifs. J'aime pas. Il y a des gens qui se sont ennuyés durant The Thing. Incroyable. Dieu, c'est dur. Comment on peut dire un truc pareil ? C'est le chef-d'œuvre de Carpenter. C'est un film qui date de 82. Vous le voyez maintenant, ça n'a pas pris une ride parce que c'est aussi Rob Bottin qui est un génie des effets spéciaux, qui a fait que c'était avant-gardiste au possible. Le thème qu'on entend actuellement, qui est de Morricone, parce qu'on lui a filé un budget, donc des gens en plus capables de transcender encore plus tout ça. C'est Morricone qui fait du Carpenter. Qui fait du Carpenter, parce qu'on peut totalement se dire que c'est et c'est un chef-d'œuvre total. Et dire que on s'ennuie. J'aimerais voir cette personne en vacances. C'est impossible. Alors ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'au niveau du rythme, on n'est pas du tout dans du jumpscare et dans ce qu'on a. Alors qu'est-ce qu'il y a de jumpscare ? Ah pardon, c'est une scène qui nous fait sursauter de peur, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui. C'est quand quelqu'un rentre dans le champ de la caméra, il survient comme ça et hop, il peut y avoir un son, un personnage qui apparaît brusquement. Souvent du sound design, donc un son très fort qui te fait sursauter, mais qui est quelque part totalement artificiel en termes de peur. Et ça, The Thing ne joue pas du tout sur ça. Ne joue pas là-dessus, c'est de la terreur sourde qui est justement cachée, et ça traite de paranoïa encore une fois, et justement c'est totalement prenant et tétanisant. Kalindi ? Oui. Alors moi c'est mon film préféré de Carpenter, je l'ai vu 1000 fois. C'est le film le plus effrayant de Carpenter, c'est sûr et certain, et c'est en effet, comme tu disais Dedo, dû en partie au travail extraordinaire de Rob Bottin, qui s'est enfermé dans son atelier pour créer cette chose absolument abominable faite de chair, de dents, qui peut être cachée, enfin qui peut prendre la forme de n'importe qui, et c'est ça qui fait peur. C'est de là que naît le sentiment de paranoïa. Il faut aussi rappeler que Carpenter, il est né un an après le début de la guerre froide, et que forcément le sentiment de paranoïa était assez présent aux États-Unis, et donc ça marque le travail de Carpenter. On retrouve ça notamment dans ce film où les personnages commencent à avoir à se méfier des uns des autres, et en effet le film n'a pas été accepté parce que il est sorti en même temps que E.T. Il est sorti en même temps que Blade Runner, deux salles de ambiance. Et en fait, Carpenter se décrit souvent comme un anti-Spielberg. Donc, il fait pas il veut pas faire de blockbuster. Il veut faire un cinéma violent. Donc, c'est hyper différent de E.T., qui a été très bien accepté parce que très gentil, parce que pour les mômes, etc. Quoique, Quoique, E.T., il y a aussi une part de cruauté dans le, ouais, dans le film de Spielberg. Sur la gestion. C'est-à-dire qu'en comparaison à The Thing. Oui, par rapport à The Thing, c'est sûr que. C'est quand paraît. Même. C'est très léger. Et puis, en fait, The Thing est surtout très, très pessimiste. Ouais, enfin, on parle quand même de la survie de l'humanité qui est vouée à s'éteindre en 27 000 heures si la créature parvient à toucher les populations autres que celles des chercheurs qui sont en Antarctique. Donc, on est sur un truc, voilà, la fin du monde, quoi, en fait. Et cette réception publique a fait beaucoup de mal à Carpenter. Parce que lui-même considère que c'est son meilleur film, mmh, et quand il a vu la violence des critiques et des retours, il a mis quelques années à s'en remettre un petit peu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a, il l'a dit ensuite, qu'il a réalisé Starman, ouais, Starman, une comédie pour romantique entre extraterrestres, capable de faire autre chose, pour montrer que, voilà, qu'il n'était pas que noirceur, pessimisme. Ça, c'était le premier coup au moral de Carpenter qui a été totalement achevé par le non-succès de Big Burton. Trouble in Little China, ouais, Jack Burton dans les griffes du mandarin, oui, qui est encore une fois typique de ce qu'est la carrière de Carpenter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tout le temps, malheureusement, pas là au bon moment. Trop tôt. Trop tôt ou trop tard, ça dépend, ouais, mais la plupart du temps trop tôt, effectivement. Mais voilà, c'est typique pour The Thing et E.T. Et encore une fois, Big Trouble in Little China, c'est Jack un film... Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Exactement. Ouais. C'est lui, il a toujours été fan de Shambhara, de films de Kung-Fu ou de films de KPDP un peu japonais. Donc c'est ce qu'il fait à cette époque-là. Et personne comprend, tout le monde est à côté. Et en plus, Jack Burton est un anti-héros total, bête, stupide, macho, qui rate, et qui rate tout ce qu'il fait. Il rate tout. C'est au moment de la bataille finale, il tire en l'air, il se prend une pierre, il tombe. Oui, donc il est pas là. Il s'est assommé lui-même. Et c'est ça qui est fort, c'est que en fait le héros là-dedans, c'est le sidekick, c'est-à-dire son meilleur ami qui est asiatique, qui cherche justement à récupérer sa fiancée capturée par David Lopan. Et donc ça, c'est les personne comprend à l'époque. Tout le monde est là, mais le héros, il est nul. Ça va pas du tout. C'est contre les valeurs américaines du moment. Et Carpenter détruit justement ce côté un peu pamphlétaire des années réganiennes à travers V Live, Invasion Los Angeles, où là, il vient dénoncer le consumérisme, le fait qu'on est complètement absorbé par les pubs, par la réussite et alors, par le dur argent. Alors, préciser l'histoire d'Invasion of Los Angeles, c'est des extraterrestres qui occupent les postes de pouvoir, politiciens, journalistes, et qui distillent à longueur de journée des messages consommés, obéissez, etc. Pour contrôler la population. Totalement. Et le concept, en fait, peut être totalement décliné sur finalement ce qui se passe à l'époque dans la société américaine où il y a, en fait, une vision très américanisée du monde qui est développée par toute la pop culture finalement à ce moment-là et que lui il se met complètement contre ça et en plus contre les studios, contre tout ce qu'il fait. Et en fait, il crache sur tout le monde, il critique tout le monde en prenant même des acteurs qui sont finalement des catcheurs ou des gens qui ont vraiment fait des rôles de Case David qui est un héros des séries B, on va dire, et il les intègre vraiment dans son cinéma pour dire bah moi c'est ça en fait mon cinéma, c'est ça que j'ai envie de faire et mon délire c'est vraiment que tout ce que vous faites en fait moi je suis pas dedans, votre cinéma n'existe pas pour moi, votre timing est faux en fait, vos années 80 c'est pas les miennes. Et en fait quand on voit ce film, on est complètement happé. À mon avis, c'est toujours le problème, c'est quand on les voit, on est dans le temps et on comprend pas forcément, mais en fait, la vision qu'on peut en avoir ensuite, plus tard, c'est une vision des années 80 qui est peut-être celle qui va rester pour les gens, alors que c'est pas celle qu'on nous vendait pendant les années 80. Il doit sûrement y avoir une explication à ce que j'ai vu ce soir. Je le résoudrai tôt ou tard, mais pour l'instant, j'aimerais bien comprendre le pourquoi et surtout le comment. Vous continuez à tout vouloir rationaliser. En tout cas, vos romans sont nuls. Vous devriez lire mon petit dernier. Les autres vous ont fait un certain effet, mais celui-ci vous rendra complètement fou, Trent. Nous verrons. Grâce à ce livre, le monde va changer. Ce sont les nouveaux lecteurs, les nouveaux croyants qui seront les instruments de ce changement. L'essentiel, c'est la croyance. Quand de plus en plus de gens commenceront à ne plus savoir faire la différence entre l'imaginaire et la réalité, les hôtes du sanctuaire pourront réapparaître. Donc, plus il y aura de croyants et plus ce jour arrivera vite. Et vu comment mes autres livres se sont vendus, celui-ci promet d'être vraiment très populaire. C'était un extrait de mon Carpenter préféré, L'Antre de la Folie, avec Sam Neill doublé en français par Bruno De Volder et Jürgen Prochnow doublé en français par Julien Roy. Parlons de L'Antre de la Folie, c'est-à-dire un film qui adapte en fait Lovecraft sans l'adapter. Il y a du génie dans ce film. Kalindi ? Oui, c'est aussi un de mes Carpenter préférés. Il y a du génie dans ce film, il y a de la folie dans ce film, forcément. Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui parle directement de la peur. Je me souviens d'une phrase de l'actrice qui accompagne Sam Neill qui dit c'est... Alors je sais plus, du coup j'ai un trou, mais elle parle justement de ce qu'elle aime dans les livres de l'homme qui sont en train de rechercher. Et elle dit, voilà, en fait, moi ce qui me plaît dans ces livres, c'est que je m'enferme dans cette peur et je n'ai plus jamais envie d'en sortir, j'ai envie de vivre dans cette peur. C'est très intéressant, c'est ce qu'on aime tous autour de cette table, je pense, c'est le sentiment d'effroi, c'est ce qui ressort beaucoup de L'Antre de la Folie, je trouve, qui est d'après moi son film le plus divertissant, dans lequel il y a beaucoup beaucoup de choses qui adaptent en effet Lovecraft sans l'adapter, qui adaptent King sans l'adapter non plus, parce qu'il part pas d'une œuvre de King mais de son œuvre globale. Voilà, c'est un film qui possède plein d'éléments, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce film, on pourrait dédier une émission entière, je pense, à L'Antre de la Folie. Et le parallèle avec Lovecraft est assez évident dans le sens où Sutter Kane, donc l'écrivain justement qui écrit ses livres de terreur, a une sorte de pouvoir de rendre les gens un peu fous à la lecture. Ce qui est assez typique du Necronomicon, le bouquin imaginaire écrit par un des personnages de Lovecraft. Donc là, on retrouve totalement cette idée un peu méta à l'intérieur de ce film. Mélanie Boissonneau ? Oui, c'est vraiment un film sur le pouvoir de la fiction aussi. Donc, puisque la fiction va vraiment petit à petit grignoter le monde que l'on voit. Et c'est quelque chose qu'il a déjà fait aussi de façon très littérale dans La fin absolue du monde, ouais, qui est un petit segment d'une série de Master of Horror qui regroupait de grands réalisateurs de cinéma d'horreur, où on voit un personnage qui met ses tripes sur une pellicule de film projetée. Donc là, littéralement, il met ses tripes sur la pellicule, et cette idée de mettre vraiment de la fiction comme ça dans un film et de montrer le pouvoir physique de la fiction, je trouve que L'Antre de la Folie le montre admirablement, et moi aussi c'est vraiment un de mes préférés. Oui, en plus une évocation, on l'a dit, de Stephen King, qui fait plus penser à Stephen King que Christine, qui était pourtant une adaptation. Ouais. Et c'est assez paradoxal. C'est vrai. Ouais, là, je pense qu'il joue vraiment sur tout ce que les gens pensent de Lovecraft, de Stephen King, et donc ce que les gens voient dans It, dans ça, enfin vraiment la terreur, alors que Stephen King a écrit énormément de choses, dont même Running Man, sur ce nom de Richard Bachman, donc il a vraiment énormément de possibilités. Je pense qu'en plus, ce qui est intéressant avec L'Antre de la Folie, c'est que ça arrive à un moment où je pense que vraiment Carpenter, notre Georges Charpentier, il veut tout arrêter en fait. Il a fait plusieurs films qui n'ont pas marché, dont Zélive, dans des petits moments un peu durs. Et là, c'est un succès, parce que c'est un film un peu plus académique, un peu plus compréhensible, avec moins de grilles de lecture, et finalement qui rentre dans la nouvelle génération des films d'horreur des années 90. Très rapidement, il va y avoir Wes Craven qui va se relancer avec les Scream et tout. Et en fait, il y a une nouvelle génération. Il y a Lords of Illusion aussi, de Clive Barker. Ouais, exactement, c'est un peu le moment où il y a aussi, je crois, il y a Sam Raimi qui revient aussi un peu. Donc il y a aussi une relecture des standards de l'horreur, on va dire, au début des années 90, avec une nouvelle génération de gens qui sont intéressés par d'autres types de ressorts. Et on voit que John Carpenter arrive encore sur ces mêmes registres à se relancer, notamment avec L'Antre de la Folie, puis plus tard avec Le Village des Damnés, qui va jouer un petit peu sur les mêmes types de ressorts qui sont pas forcément le même registre qu'il avait dans les années 70, puis dans les années 80. C'est là où on voit que ça devient un grand réalisateur, c'est qu'il peut avoir plusieurs époques et finalement se redéfinir un petit peu. Et rapidement, ensuite viennent Vampire et Ghost of Mars. Ouais. Là, on n'est plus sur du Carpenter au mieux de sa forme. Non, on est plus sur des commandes, je pense. Vampires, pas forcément. On est sur du western, par contre. C'est ça, Vampire, c'est clairement un western très fort. Et pour moi, le film où vraiment on sent que là, il a envie d'arrêter quelque part. Il le faisait d'ailleurs Los Angeles 2013, donc il y a qui est très intéressant en fait dans sa conception, dans le sens où c'est Universal. New York 1997. Voilà, il voulait vraiment une suite. Le studio a commandé une suite en disant le premier avait cartonné, fait une suite. Et lui en fait, il étant malade, à l'époque il était malade, c'était une sorte de film testament pour lui. Donc pour moi, c'est plus un doigt d'honneur qu'il fait au studio, c'est un corps d'honneur. C'est-à-dire que ils veulent une suite, il fait une sorte de remake. Il faut que ça parte dans tous les sens. Il y va de manière totalement épurée. Le personnage est nihiliste au possible. Il éteint l'humanité. Et pour moi, c'est vraiment un message adressé au studio. disant, voilà, ça s'est jamais bien passé avec vous, vous m'avez un peu pourri ma carrière à des moments où je pensais que justement ça pouvait exploser. Voilà ce que j'ai à vous dire avant de partir. Et au final, bon, heureusement, il est encore là et il a fait quelques films derrière. Alors, plus ou moins bon pour certains, moi je continue de trouver que Vampires est un très bon film de Carpenter. C'est bien, jusqu'au bout. Ah ouais, ouais. Moi j'adore The Ward aussi. Donc. Dans quelques instants, on va jouer avec un éditeur, mais avant cela, on écoute Little Sims qui interprète Offense. I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I'm probably any caboose and it's never right, I'm honest. Gas level ain't even on 10 and still they can't manage. They think I'm a shy one, like Narsins won't flip. But when I switch, then they wanna say that I'm a bitch. C'était Little Sims et maintenant on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Théo au téléphone. Bonjour Théo. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ah, vous étiez dans l'ambiance de John Carpenter déjà, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Vous avez un film préféré de John Carpenter? Ouais, Christine. Christine, eh ben voilà, on en a parlé. Donc vous connaissez le principe du jeu ? Oui. Je vous pose 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites une erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donnera la possibilité d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est bon ? Ok. C'est parti. Oui. Citez les 3 films qui forment la trilogie de l'apocalypse de John Carpenter. Réponse A, New York 1997, L'invasion de Los Angeles et Los Angeles 2013. Réponse B, The Thing, Prince des Ténèbres et l'Entre de la Folie. Ou réponse C, Halloween, Vampire et le Village des Damnés. Réponse A. New York 1997, L'invasion de Los Angeles et Los Angeles 2013, vous êtes sûr? Je suis pas sûr qu'il ait dit A, moi. Je crois qu'il a dit B. J'ai entendu B, moi. Est-ce que vous voulez faire appel à un joker, peut-être? Non, non, vous avez peut-être mal compris, je sais pas. Non? Alors, c'est quoi la réponse? Réponse B. Oui, yes, évidemment, The Thing, Prince des Ténèbres et l'Entre de la Folie. Bah, j'avais entendu. C'est moi qui avais mal entendu, ouais. Évidemment. Alors, question suivante. En marge de son cinéma d'horreur et d'épouvante et de son cinéma de science-fiction, John Carpenter a réalisé un biopic sur un chanteur. Savez-vous lequel? Ouais, je pense. Alors, allez-y. Le roman d'Elvis. Oui, bonne réponse. C'était effectivement un biopic sur Elvis Presley. Le film s'intitule Le roman d'Elvis et il est sorti en 1979. Qui a été le début de la collaboration avec Kurt Russell. Avec Kurt Russell, qui incarnait Elvis. Super Elvis. Et maintenant, on va vous faire écouter un son. C'est une musique de film. À vous de deviner à quel film de John Carpenter elle correspond, mais à mon avis, ça va venir vite. Alors, de quel film provient cette... Christine, bonne réponse! C'est une bonne réponse, c'est Christine, sortie en 1983. En même temps, si vous n'aviez pas répondu alors que c'est votre film préféré, ça aurait été dramatique. Eh bien Théo, vous avez gagné le livre John Carpenter, Les Masques de l'Horreur de Stéphane Boulet qui va paraître aux éditions Ferd le 12 septembre. Super. Merci à vous, vous êtes content? Super content, ouais. Voilà, mais vous avez la joie intérieure. Voilà. Ça, exactement, oui. Je suis trop stressé, c'est pour ça. Bon, bah, merci d'avoir participé en tout cas. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Kalindi, Ramful, Mélanie Boissonneau, Aurélien Chapuis et Dedo, merci d'avoir évoqué ce maître de la peur, de l'horreur, John Carpenter. Pour les auditeurs, comme toujours, si vous le désirez, pour encore cette émission, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire John Carpenter, ou sur d'autres sujets de Blockbuster, faites comme vous voulez. Hein. Il y a également la page Facebook de l'émission, et il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. I have come here to chew bubblegum and kick ass. J'étais venu ici pour pouvoir bouffer du bubblegum et en cogner quelques-uns. And I'm all out of bubblegum. Et comme j'ai plus de bubblegum... On se retrouve demain pour la dernière et on parlera des pavillons de banlieue et de l'importance de ne pas passer la tondeuse torse nu si on ne veut pas de problème. On parlera de Desperate Housewives. Et après le journal, on retrouve Nadia Dam pour le débat de midi. Bonjour Nadia. Salut Frédéric. Alors de quoi allez-vous parler aujourd'hui ? On va parler d'amour. Est-ce que vous savez qu'un Français sur deux a déjà trompé son conjoint ? Statistiquement, ça veut dire qu'il y en a un ou deux qui a quelque chose à se reprocher ou pas. Donc on va parler de fidélité et d'infidélité dans le débat de midi. Et vous balancez ça comme ça à l'antenne. Débrouillez-vous mais comment maintenant. Comment je vais rentrer chez moi maintenant ? Bonne chance. Merci. À tout à l'heure.